Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire qui se cachait derrière Mata Hari. Elle est d'une naïveté, je dirais, déconcertante. Elle n'a pas compris qu'elle était en fait le jouet des services secrets allemands et des services secrets français. Pour Jean-Marc Loubier, auteur de la biographie Mata Hari, loin d'être une espionne redoutable, Mata Hari n'aura en fait que permis à cette France qui s'enlisait dans le bourbier de la Grande Guerre de 14-18 de se servir d'elle comme d'un exemple, à donner pour dissuader tous ceux qui seraient tentés de trahir la patrie pour pactiser avec l'ennemi allemand. Bouc émissaire idéal, cette femme trop libre pour son temps sera reconnue coupable d'espionnage et mourra fusillée le 15 octobre 1917 à l'âge de 41. Marguerite Gertrude Zell, d'origine néerlandaise, arrive à Paris en 1905. Elle se dit danseuse javanaise et se fait appeler Mata Hari, soleil levant en javanais. C'est Émile Guimet, le grand collectionneur, qui, le premier, l'invite à se produire quasiment nu dans cette salle, la bibliothèque de son musée. En 1905, elle était libérée, elle était belle, elle était impudique, elle était érotique. On en faisait le mythe de cette société qui cherchait à se libérer. 10 ans plus tard, en pleine guerre, en 1915, elle est à Berlin. Désargentée, elle accepte de travailler pour l'espionnage allemand. Mais de retour à Paris, c'est au service de la France qu'elle se met. En 1917, alors que la guerre s'enlise à Verdun, il faut frapper les esprits. Le contre-espionnage français arrête la célèbre Mata Hari. C'était le meilleur de tous les boucs émissaires, parce que c'était une femme émancipée, cosmopolite, de mauvaise vie, si on peut dire, etc. C'était la victime idéale. Procès truqué, dont Léon Schirman démonte tous les mensonges. C'est un peu la première femme du XXIe siècle qui aurait été assassinée ou qui aurait été jugée et condamnée par les derniers hommes du XIXe siècle. Son dernier rôle, celui de la femme libre, courageuse et sacrifiée, l'a propulsé au rang de mythe. À mon commandement, présentez ! Ah ! Extrait d'un reportage de Geneviève Moll diffusé au Journal de France 2 le 15 octobre 2001, jour du 84e anniversaire du décès de Mata Hari. Pour nous parler de Mata Hari, essayez de départager ce qui appartient au mythe et ce qui appartient à la réalité quand on évoque son nom. Je reçois l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. C'est vrai que je parlais du nom de Mata Hari. À peu près tout le monde, Évelyne, connaît ce nom-là, mais que sait-on véritablement d'elle? Certaines choses, on est capable de la retracer quand même dans les archives, sauf qu'on a une menteuse, on a une mythomane qui a brouillé les pistes toute sa vie. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qu'on sait réellement d'elle, outre les archives légales ou les archives notariées ou ses passages dans les salles de spectacle, c'est toujours un petit peu flou. Il y a du flou et c'est ce qui fait qu'il y a aussi de la contradiction chez les historiens, chez les journalistes qui se sont intéressés à elle depuis, en fait, la fin de la Première Mais Guerre. Mais ça reste une grande figure du 20e siècle, un nom que vraiment tout le monde connaît, qui est devenu synonyme de manipulation. Espionnage, d'un côté, femme espionne, ça a marqué les esprits. C'est surtout ça au début que les gens ont retenu. Une femme espionne, ah, c'est incroyable. Qui use de ses charmes. Là, graduellement, quand on va être un peu moins prude par rapport à la sexualité, on va réaliser qu'elle est un peu à l'origine du striptease aussi. Oui. Alors là, le côté, les photos plus érotiques de Mata Hari, le personnage plus érotique de Mata Hari. C'est une femme magnifique, il faut le dire. Oui. Très, très, très belle femme. Elle savait comment travailler avec son corps aussi. Donc ça, ça va être un petit peu plus tardif, mais graduellement, c'est ce qui va emboîter le pas sur l'espionne. Aujourd'hui, quand on dit Mata Hari, on a plus tendance à imaginer la danseuse érotique que l'espionne. En fait, certaines personnes sont comme « Ah, espionne! » Parce que, c'est un moment donné, avec notre propre libération, c'est là où elle a marqué peut-être plus l'histoire. Hein. Alors, commençons par le commencement. C'est toujours intéressant de voir un petit peu d'où viennent les gens. Quelles sont ses origines à Mata Hari? À quel milieu elle appartient? Elle appartient à un milieu, en fait, bourgeois. On est du côté des Pays-Bas. Son père est un chapelier. Donc, elle s'appelle Margaretha, comme on l'a entendu tout à l'heure, Gertrude Zell, sans le francise. Et son père a la chance de pouvoir faire quand même une bonne fortune, en fait, avec son entreprise. Et c'est une jeune fille qui est intelligente. Alors, oui, on va en tracer plus tard le portrait de quelqu'un qui s'est fait avoir et qui a manqué peut-être de jugement. Ouais. Mais c'est une jeune fille intelligente qui va très vite démontrer un talent pour les langues. Donc, on l'envoie à l'école. Elle va parler très vite vite le français, elle va parler l'espagnol, elle va parler l'allemand, elle va parler des bases d'anglais. Alors, c'est quand même pour l'Europe de l'époque un cadeau. Mais son père étant fortuné, lui fait vivre aussi une vie où elle est dans le luxe complet. Là. Et qu'il l'aime tellement, ce père. On va écouter tout de suite un extrait de Dimanche Magazine en février 2001, mais qu'il l'aime tellement que ça va être important pour la suite des choses, qu'il va convaincre sa fille, sa petite Mata, qu'elle est vouée à un grand destin. C'est une princesse, rien de moins. À nouveau, le biographe de Mata Hari, Jean-Marc Loubier, donc, à Dimanche Magazine en février 2001. Son père était un commerçant, chapelier en Hollande à Leeuwarden. C'était un monsieur aisé qui faisait des placements, qui gagnait bien sa vie. Et c'est un monsieur qui adorait sa petite fille, au détriment de ses autres enfants d'ailleurs, et qui surtout avait un grand défaut, c'est qu'il l'aimait trop et qu'il la gâtait trop. Il lui a fait une enfance extrêmement dorée et surtout, c'est ça qui est important, il lui a fait croire qu'elle serait plus tard, quoi qu'il advienne, quoi qu'il lui arrive, qu'elle serait la plus grande, la plus belle, qu'elle serait peut-être princesse et si elle n'est pas princesse, en tous les cas, elle serait duchesse. C'est intéressant cet extrait-là, quand on connaît la suite de l'histoire, oui. Evelyne Ferron. Ça fait partie, là, il la contamine. Hein. C'est ça qu'il lui dit, ce père aimant, à la petite Mata Hari. Elle va devenir une manière de princesse, une manière de reine de ce Paris de la Belle Époque. Elle va construire le personnage qu'elle aurait dû être quelque part, exactement. Parce qu'il y a la ruine familiale. Donc, ce qui n'était pas prévu quand il lui racontait ça, c'est que la famille allait finir par perdre ses moyens financiers. Donc, Mata Hari va être placée dans de la parenté pour continuer son éducation. Elle va essayer 2-3 emplois pour finalement faire une annonce et dire « Je suis disponible pour être mariée. Épousez-moi. » C'est la façon de s'en sortir. Oui, voilà. Et elle veut un homme qui a quand même des moyens financiers. Donc, en fait, c'est un homme de l'armée, tout simplement. Il s'appelle Rudolph McLeod. Et il accepte de l'épouser. Il a presque le double de son âge. Et il va l'amener au bout du monde. En Indonésie. Et ça, c'est parfait. Là, on est à la fin du 19e siècle. Ouais. Ça va être marquant pour elle. Parlez-nous un petit peu de ça. Faut se remettre dans le contexte. Cette Indonésie, là où va vivre pendant quelques années Mata Hari, ça ressemble à quoi à cette époque-là? Bien, on a un territoire en fait qui ressemble un peu à l'Inde, alors qui commence à avoir ce contact avec l'Occident du point de vue politique, du point de vue militaire, mais qui garde ses traditions fortement orientales. Donc, elle découvre la culture culinaire de l'Indonésie avec les épices, elle découvre les couleurs, elle découvre les textiles. Surtout ça va être important. On ne s'habille pas de la même façon en Indonésie qu'on s'habille en Europe. Le climat est totalement différent. Alors, ce sont des couches souvent de coton indien. Ouais. Très léger, mais une sensualité. Oui, et les couleurs sont vives. En Europe, on a cette tendance à cette époque-là à s'habiller vraiment dans des couleurs qui sont très foncées. Il faut dire qu'en ville, c'est pas très propre non plus, c'est très pollué. Et son personnage qu'elle va développer, on va y venir dans un instant, mais c'est là les racines de, de cette danseuse exotique, orientalisante. Oui. C'est là qu'elle prend tout ça. Oui, parce qu'en tant que femme d'un homme qui habite en Indonésie, on va lui enseigner en fait les danses traditionnelles. Elle va être en contact avec tout ça. Elle va avoir 2 enfants et là, le conflit justement entre les Européens et les Indonésiens apparaît dans son histoire parce que ses 2 enfants ont été empoisonnés. On a toujours suspecté en fait que son mari avait fait quelque chose qui avait froissé. La petite fille survit, mais le petit garçon décède. Et ça, c'est une brisure en fait qui brise le couple et qui explique en fait qu'elle quitte cet univers-là et qu'elle décide de rentrer à Paris en 1903. Ça semble avoir été vraiment la brisure complète chez Mata Hari. Et pourquoi Paris et pourquoi faire à Paris en fait? Ben, Paris, là, c'est sûr que si vous êtes divorcée à cette époque-là, c'est une catastrophe. Je veux dire, une femme divorcée en 1903, c'est terriblement rare et vous êtes automatiquement considérée comme étant responsable et vous ne pouvez pas vous promener dans les grands cercles. Et Mata Hari, c'est pour être une princesse, on l'a dit, ou une duchesse. Elle sait qu'à Paris, par contre, c'est la ville la plus ouverte si on veut se faire entretenir par des hommes. Elle sait qu'elle est jolie. Elle sait qu'elle a cette belle chevelure noire d'ébène. Elle a des yeux quand même très particuliers aussi et elle va en user très rapidement. Donc, on sait qu'elle va déjà réussir à se faire entretenir par quelques hommes dès son arrivée à Paris. Oui. On sort de ses mythes à elle et très rapidement, elle va essayer dans les fameux cabarets. Oui. C'est la gloire, c'est la belle époque. C'est pour les femmes la chance qu'on a de pouvoir faire de l'argent, en étant indépendante et en n'étant pas mariée. Oui. Alors, elle va commencer à entrer dans cet univers-là et elle se dit, je vais arriver avec les traditions de l'Orient parce qu'il y a aussi une mode d'orientalisme qui commence à cette époque-là. Et elle a les traits physiques qui font en sorte qu'on n'est pas sûr d'où elle vient dans le monde. Et ça, elle va jouer là-dessus. Oui. Et le 13 mars 1905, il y aura ce grand coup d'éclat. C'est ce jour-là que Mata Hari vraiment devient une célébrité, une manière de légende. Lady MacLeod s'est inventé un personnage romanesque. Elle raconte que sa mère est une Indienne et son père un lord anglais. Elle aurait été élevée pour devenir danseuse sacrée dans quelque temple hindou. Elle renoue avec ses mensonges d'enfance et devient Mata Hari. La mode est à l'Orient, le tout Paris va tomber sous le charme. La sulfureuse Mata Hari fait à ce point illusion qu'un orientaliste fortuné, Émile Guimet en personne, l'invite à venir danser dans son musée d'art asiatique. Le 13 mars, la bibliothèque du musée Guimet est transformée en temple hindou. Devant un public trié sur le volet, Mata Hari s'avance sur scène. Le spectacle avait été bien mené, donc c'est vraiment cet endroit, il y avait un grand tapis. Au fond, vous aviez la statue de Shiva, le dieu de la danse. Elle va faire trois danses. Une première danse où elle est parée, c'est une danse très lente. Elle a quatre suivantes autour d'elle, qui sont assises en noir. Et puis une seconde danse armée d'un trident. Hein. C'est une danse violente, belliqueuse, pourrait-on dire. Lors de la troisième danse, Mata Hari s'offre aux dieux hindous, comme en transe. À ce moment, elle est quasiment nue. Devant cet auditoire, il y avait entre autres Colette. Elle a séduit. Dans tous les journaux, on a vu des articles absolument délirants. Et on dit, voilà, des danses authentiques, des brahmanes qu'on n'a jamais vues. Avant, elle était inconnue. Et d'un seul coup, elle est projetée à l'avant-scène. Extrait de l'épisode consacré à Mata Hari de l'émission « L'ombre d'un doute » présenté par Franck Ferrand, diffusé sur France 3 en 2012. Quelle place! Bon, le coup d'envoi, c'est ce fameux 13 mars 1905, mm-hmm. Elvin Ferrand, mais elle deviendra vraiment une célébrité. Quelle place elle va occuper, Mata Hari, dans ce Paris de la Belle Époque? Mais ce Paris de la Belle Époque est déjà... les gens adorent les cabarets, adorent les danses où on révèle un peu les jambes, les chevilles, mais là, elle va beaucoup plus loin. Elle va réussir à légitimiser le striptease, donc la nudité. Elle va dire que dans son cas, elle s'offre au dieu Shiva et pour cette raison-là, il faut qu'elle soit nue. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à pouvoir le faire sur scène parce que sinon, elle n'aurait jamais pu en fait poursuivre cette carrière-là. On aurait empêché ses spectacles. Mais là, elle a une motivation orientalisante, comme on dit, qui est de s'offrir au dieu Shiva. Et elle va jouer aussi sur un mythe qui est très connu à l'époque, qui est celui de Salomé. On est dans l'histoire de Saint-Jean le Baptiste. La pièce de théâtre d'Oscar Wilde est connue d'ailleurs, il a écrit là-dessus, où il parle de la danse aux sept voiles qu'elle est obligée de faire. Et c'est là-dessus qu'elle joue. Donc, elle va commencer à enlever une couche, deux couches, et va commencer à révéler des parties du corps qui, d'habitude, ne sont pas révélées. Mata Hari n'a pas de poitrine. Alors, elle la décore avec beaucoup d'ornements. Donc, c'est pas cet aspect-là qui est le plus frappant, c'est qu'à un moment donné, elle va oser enlever le bas ou avoir juste un voilage tellement diaphane qu'on voit en fait la toison entre les jambes. Et là, les hommes, c'est la folie. On se dit, on voit vraiment ça sur scène. Et elle a cette justification que c'est ce qu'elle doit offrir au dieu Shiva parce qu'il y a une question d'accouplement rituel. Là-dedans. Et puis parallèlement, puis en plus, elle va évidemment vieillir petit à petit. Elle devient courtisane, grande horizontale. Mm-hmm. On a fait une émission sur les grandes horizontales. Ça en sera une, Mataille. Ça en sera une. Pas la plus grande parce que elle voyage beaucoup. Alors, elle est moins concentrée, en fait, dans l'univers des grandes horizontales, je dirais, du Grand Paris, parce que le personnage de Mata Hari va lui permettre quand même de voyager. Et comme elle parle plusieurs langues, elle en profite. Mais oui, elle va être entretenue par des hommes très, très puissants. Elle va avoir des maisons et des hôtels particuliers. Les gens comptaient le nombre dans les journaux, des fois, combien de chevaux l'accompagnaient, combien elle avait de fourrure sur elle, etc. Donc, elle mène la fameuse grande vie qu'elle aurait toujours voulu avoir grâce à tout ça. Mais effectivement, non seulement elle va vieillir, mais comme toutes les grandes horizontales, elle va être frappée à la dure réalité que ce mode de vie-là, quand une guerre éclate, n'est plus compatible. L'argent va aller ailleurs et les hommes sont ailleurs et les hommes n'ont plus le temps ni les moyens de se pavaner avec elle. La grande bourgeoisie, les têtes couronnées, voyage moins d'une part. Par ailleurs, le fait qu'elle ait fréquenté ces milieux de la diplomatie, de la grande bourgeoisie, ça lui fait un carnet d'adresses assez exceptionnel qui va être important dans sa nouvelle carrière, sa carrière d'espionne. C'est vers 1916 à peu près que Mata Hari est sollicité pour se livrer à des activités d'espionnage. On écoute à nouveau Jean-Marc Loubier au micro de Chantal Lavigne à Dimanche Magazine en février 2001. En 1916, il y a un monsieur qui est venu la voir, qui était son voisin, elle habitait La Haye à l'époque. C'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Kramer, qui lui dit « Je sais que vous allez faire prochainement un voyage à Paris. J'aimerais bien, si vous le souhaitez, que vous connaissez beaucoup de monde dans les milieux diplomatiques, dans les milieux artistiques, dans les milieux politiques, vous puissiez nous donner quelques informations. » Il lui a dit « Mais vous savez que nous sommes en plus prêts à vous payer 20 000 francs pour ce genre de service. » Il a dit « Mais vous me demandez d'être espionne. » « Non, pas vraiment espionne, mais on vous donne 20 000 francs pour ce genre de service. » Elle a dit « Oui, Oui. Elle a empoché les 20 000 francs. Elle a fait ensuite un stage à Bruxelles, chez Mademoiselle Docteur, oui. où elle était d'une incapacité crasse. Un stage d'espionne. Un stage d'espionne, elle était nulle, mais alors complètement nulle. Et elle n'a jamais donné le moindre renseignement à ce monsieur Kramer, ni à un autre Allemand qu'elle a rencontré. Alors, quel genre d'espionne sera Matari Evelyne Ferron? Ben, celle qui profite du système, mais qui ne livrera pas la marchandise, comme ouais. on dit. Elle est endettée. Donc là, son mode de vie ne fonctionne plus avec la Première Guerre mondiale. Elle a même fait du bordel à cette époque-là. Donc, elle est vraiment dans une situation désespérée. Elle qui croyait mener une vie jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle allait être quand même assez luxueuse. Donc, comme toute grande horizontale, si on ne prépare pas la suite, ça va très mal. Et c'est un peu ça, le moteur. Donc, quand elle arrive comme espionne, mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle parle plusieurs langues, donc elle peut passer les frontières aussi parce qu'elle est néerlandaise. Ouais. Donc, une neutralité politique qui lui donne cet avantage. Sa citoyenneté néerlandaise est ce qu'on cherche ici, et le fait qu'elle parle plusieurs langues. Donc, elle peut se promener sur les frontières européennes et voir ce qui se passe. Mais finalement, on réalise qu'elle a, honnêtement, à part fait des rapports d'où est-ce qu'elle allait, rien donné. Ouais. Donc, elle ne donne pas d'informations sur où sont les troupes, qu'est-ce qui se passe dans les pays. La politique ne l'intéresse pas, donc elle n'a rien à dire là-dessus. Parce qu'en fait, elle n'a aucun intérêt. Ouais. Elle va quand même être arrêtée, puis éventuellement jugée, puis éventuellement exécutée pour espionnage. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on s'intéresse à elle, on se dit, oups, il y a peut-être quelque chose, là? Ben c'est sûr que là, Matari est très connue. Alors, même si elle a vieilli, son visage est quand même assez remarquable. Et là, elle commence à se faire remarquer. Elle se promène à une époque où la mobilité est quand même beaucoup plus réduite en Europe. Là, on le dit, on est en 1916, on s'en va vers 1917. C'est une période critique de la Première Guerre mondiale. Pour les Français en particulier, là, on est en train de toucher le fond. Et la France va lui proposer aussi de peut-être fournir quelques renseignements. Et comme elle rentre à Paris, ben elle a toujours vécu à Paris. Elle est peut-être un petit peu plus proche de la France. Elle a un amant russe là-dedans aussi. Donc, là, elle est mieux peut-être d'être de l'autre côté que du côté des Allemands. Mais elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actions. Elle ne comprend pas, en fait, la joute politique qui existe pendant la Première Guerre mondiale, ce qui en fait une très piètre espionne. Et elle finit donc, si je vous suis bien, par être non seulement espionne, mais agent double. Elle Exactement. Sert à la fois l'Allemagne et la France. Ben, c'est ce qu'on lui demande, mais elle n'a rien fait. Ouais. Donc, dans les faits, elle a été sollicitée et par l'Allemagne et par la suite par la France. Mais elle se sert de ça. Elle dit oui, tout simplement parce qu'elle veut rentrer en France et voir son amant. Elle ne fournit aucun renseignement. Et quand on l'interroge une première fois dans les Cournoailles, un militaire britannique qui l'arrête pendant qu'elle voyage, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, qui elle est. Et là, par les photos et tout ça, il commence à se dire oh. Elle, par contre, on la connaît, là, ouais. on sait c'est qui. Et là, il commence à avoir des petits doutes. Et là, c'est comme ça, en fait, que autant les services britanniques que français vont commencer à se tester, si on se permet, qu'ils vont identifier. On détecte des messages. Voilà, on détecte des messages codés. Elle est piégée, à un moment donné. Puis on voit l'agent H21, et elle ne sait pas, en fait, nécessairement ces codes-là. Et quand on va lui demander si c'est l'agent H21, elle va répondre oui. Et c'est un peu là, en fait, que ça devient nébuleux, parce que les Français et les Allemands n'ont jamais été très clairs, en fait, sur ce qu'ils ont fait avec elle et comment ils ont joué avec les messages secrets. Mais c'est ce qui fait que la France se dit non. Là, si vous avez travaillé avec les Allemands en plus, on va faire de vous un exemple. Parce que s'il y a beaucoup d'espions comme ça ou de gens qui osent fournir à la fois des renseignements et aux Allemands et aux Français, ça ne fonctionne pas. Donc, arrêté le 13 février 1917, puis assez rapidement, en juillet, jugé par un tribunal militaire. Oui, mais c'est son ancien amant, un avocat, qui va quand même essayer de l'aider, sauf qu'on lui interdit l'accès à la salle de cour. Il est là pour voir comment ça va se passer, le dossier et tout ça, mais il n'a pas pu avoir une véritable défense. En fait, le gros enjeu dans l'histoire de Matari se trouve là, c'est que cet avocat-là aurait dû pouvoir être avec elle devant le tribunal militaire alors qu'on l'a laissé à l'extérieur. Alors, on s'entend que ça va être un procès qu'on appelle expéditif et que le mot justice dans un temps de guerre, surtout en 1917, n'existe plus. Ouais. Elle est exécutée le 15 octobre 1917. C'est intéressant parce que c'est devenu, avec ce qu'on a vu depuis quelques minutes, Matari, elle est connue. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a fait les belles nuits de ce Paris de la belle époque. Vraiment, elle a été très célèbre. Et c'est un corps qui est connu. Voilà. Donc, son procès, mais surtout parce que le procès, effectivement, même l'avocat, il n'y a pas vraiment accès, mais l'exécution de Matari, c'est une grosse affaire. Ça ne passe pas inaperçu. Donc, on est au petit matin du 15 octobre 1917. On est à la forteresse de Vincennes. On va l'attacher à un poteau et on va la fusiller à l'aube. Il y a 10, en fait, hommes qui vont lui tirer dessus pour être sûr qu'elle meurt. C'est une exécution. Et le médecin, en fait, qui était à Vincennes et qui l'a ausculté avant son exécution, on raconter, c'est lui qui nous donne ce témoignage-là, qu'elle refuse le bandeau sur les yeux, elle refuse d'être attachée, elle s'appuie contre le poteau et apparemment qu'elle sourit, fait des clins d'œil aux jeunes hommes qui vont lui tirer dessus. Et là, ben, elle s'est lancée. Ça a une seule balle a traversé le cœur d'après le rapport d'autopsie. Elle s'effondre et elle est morte. La famille ne récupère pas le corps. On n'oublie pas que là, on est dans une situation de guerre. Elle est considérée comme une agent double. On ne veut plus rien savoir de ça. Et Matahari, le corps le plus célèbre de son époque, finit dans une école de médecine et va être autopsié par des étudiants en médecine. Incroyable. Ça, c'est quand même le côté très ironique de son histoire. Et tous les journaux, évidemment, vont parler de cette exécution-là. C'est une histoire qui est très, très, très suivie. Oui, au point où on en fait un film dès 1931 avec Greta Garbo. C'est pas long, là. Ouais. Il y a vraiment pas beaucoup de temps entre la fin de la guerre et Matahari qui arrive au cinéma. Là. La grande question, Evelyne Ferron, avec le recul, évidemment, est-ce que Matahari a été exécuté injustement? Le procès est injuste. Le procès, même si c'est un procès militaire, comme les preuves semblent assez minces, on s'est basé sur le fait qu'elle avait 2-3 produits pharmaceutiques aussi dans sa sacoche. Elle disait que c'était pour la contraception, puis on savait ce qu'elle faisait comme métier, c'était logique. Eux disaient que c'était dans la composition de l'encre sympathique aussi. C'est un peu là-dessus qu'on a joué. C'est un procès qui est trop expéditif. Elle était condamnée d'avance, elle allait servir de bouc émissaire. Par contre, dans un contexte de guerre aussi sensible, à l'époque, être agent double, ça aurait été difficile qu'elle ait une fin différente, par contre. À moins que le procès ait réussi à la sauver. Donc, la mort en tant que telle était difficilement évitable, mais c'est sûr qu'il y a eu injustice dans la façon de traiter, en fait, son dossier. Oui, puis le débat, dans ce que je lisais pour préparer cette émission, effectivement, elle a été espionne, mais considérant le fait qu'elle a à peu près rien fourni de valable comme information, c'est ça aussi que certains observateurs et historiens remettent de l'avant. Est-ce qu'on devait exécuter une femme qui, oui, a fait de l'espionnage, bien sûr, et a été agent double, bien sûr, mais est-ce par naïveté. Oui, voilà. C'est ça. Un procès aurait probablement démontré que oui, OK, elle a fini par dire oui à l'Allemagne et ensuite à la France, mais elle ne connaissait rien de la joute politique, économique, militaire de son époque. Donc, dans les faits, elle ne servait à rien. Pourquoi on fait une émission encore aujourd'hui sur Matahari? Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là, Evelyne Ferron, continue de nous marquer autant? Il a fini par marquer parce que là, les historiens se sont intéressés. Le cinéma, comme j'ai avec Greta Garbo, a quand même marqué un peu l'imaginaire. Et c'est sûr que quand on va justement délaisser le côté en face sur la Première Guerre mondiale et les espions, qu'on va redécouvrir la Belle Époque, parce qu'il y a eu des époques de fascination pour la Belle Époque. Ça revient de manière assez régulière. Et elle est incontournable quand on parle de la Belle Époque, parce qu'on la voit avec ses photos et maintenant on peut les voir. C'est que pendant longtemps, ces photos-là, par pudeur, ne paraissaient pas. Mais là, maintenant, on a accès partout sur Internet et tout ça, à ces grandes décorations à cette femme très exotique qui montre le bas aussi. Donc, souvent, elle est décorée d'en haut, mais elle est nue du bas, ce qui est assez rare pour les photos d'époque. Je pense que c'est ce côté, justement, de la stripteaseuse, de la première qui a osé ce coup d'éclat d'une certaine libération du corps de la femme qui en fait encore aujourd'hui un objet de fascination, un peu plus que l'espionne, je crois. Evelyne Ferron, historienne, habituée de l'émission, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui, Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.